confions son corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La société des vivants et celle des morts, quatrième épisode, mais les animaux. Chaque fois qu'il y a quelque chose à tuer, c'est tellement qui s'en charge. Ouais, c'est un vicieux. Le chien de Mimard, vous vous souvenez du chien de Mimard? Bossu? Oui, Bossu. Il l'a flanqué dans le canal avec une pierre au cou. Oh, Bossu. Et Mimard a rien dit? Ben, c'est lui qui avait demandé à Monsieur Edmond de noyer le chien. Il a le cœur sensible, Mimard. Pendant que Monsieur Edmond noyait Bossu, Mimard s'était enfermé dans sa chambre. On ne peut pas voir ça. Je ne sais pas si c'est pour malheureux. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie d'Éric Baratet, bonjour. Bonjour. Historien du point de vue animal, on citera tel ou tel de vos nombreux livres au fil de l'émission, Éric Baratet. L'exemple de Tel du Nord, nous l'avons puisé dans un de ses ouvrages. Les employés de la fourrière ramassaient combien de cadavres de chiens noyés dans la Seine en 1900? 10 000. 10 000 par an. 10 000 par an, alors ramasser. Ce commis travaillait 8 heures par jour, vous pouvez multiplier par 3, hein, ça veut dire 30 000 chiens qui traversaient la Paris sur la Seine et qui avaient été jetés, donc un peu plus haut ou dans Paris même, c'était une pratique tout à fait courante. C'était rare qu'un chien meure de vieillesse et de sagesse? Ah oui, tout à fait, parce que dès qu'un chien avait quelques problèmes, on le tuait, hein, pour ne pas avoir à s'en occuper, et puis parce que il ne rendait plus de service à ce moment-là, hein. Donc on le pendait, on lui donnait un coup sur la tête, on le jetait dans l'eau. En Normandie, on le jetait souvent dans des trous, hein, et puis bah, il se débrouillait, il mourait de faim sur place. 1900 depuis, les sensibilités ont évolué. Et quelles étaient les sensibilités? Tenez, on va commencer par l'époque gauloise. On faisait de l'archéothanatologie au début de la semaine. On va vous transformer en archéologue, Éric Baratet. Nous sommes sur un site dans votre région, je veux dire Rhône-Alpes, Auvergne. Au pied de la chaîne des volcans, à la confluence de l'Allier et de l'Auzon, le site de Gondole est l'un des trois plus importants oppidas d'Auvergne. Et c'est là donc, que nous avons eu la surprise de trouver cette fameuse fosse qui est devenue par la suite célèbre dans le monde entier. 8 hommes, dont un adolescent, ainsi que leurs chevaux, alignés 4 à 4 sur 2 rangées, ont été enterrés simultanément sur le flanc droit, tête au sud et regard vers l'est. Tous ont le bras gauche en avant posé sur le squelette qui les précède, à l'exception du plus jeune, dont la main repose près du visage. Les causes des décès restent aujourd'hui inexpliquées. Ce sont d'abord les chevaux qui ont été enterrés, puis les hommes. Depuis 2002, les diagnostics se sont succédés chaque année, sur une surface d'environ 400 mètres de long sur 100 mètres de large. Au total, 19 fosses, dont certaines contenant des bœufs, des moutons, un chien ou un homme dans la même position, ont été découvertes. On a commencé à se poser beaucoup de questions. Heureusement, donc, l'archéozoologue, la Pierre Caillat, était là donc, pour s'occuper un peu des chevaux. C'est la chance d'avoir un nombre d'individus statistiquement valable pour pouvoir raisonner sur une population. Et estimer 190. On estime à peu près à 10 individus par fosse. Et sur les ossements des chevaux, il y a quand même pas mal de traumatismes qui sont dus donc à des chocs, à une vie quand même assez mouvementée. Et des hommes et des chevaux, c'est assez rare. Je pense que c'est la première fois. Bon, il y a déjà eu des fosses avec des chevaux qui ont été trouvés, entre autres à Vertot en Côte d'Or, mais qui étaient beaucoup plus récentes. Je crois que c'était du 2e siècle après Jésus-Christ, donc plutôt gallo-romain. Mais vraiment, hommes et chevaux, c'était la première fois. Pierre Caillat et Ulysse Cabezuelo, deux archéologues. Je ne vais pas vous demander de prendre leur place, Éric Baratet. Mais qu'il y ait des animaux qui accompagnent les morts humains, il y a d'ailleurs des morts humains qui accompagnent les morts principaux depuis fort longtemps. Oui, c'est depuis fort longtemps, effectivement. On a plein d'exemples de fosses où l'on a retrouvé des chiens et des hommes, des chevaux, etc. Le premier chat en voie de domestication a été retrouvé dans une tombe avec un enfant, il y a 9000 ans, hein, il a été enterré avec, et c'est le premier chat où on voit qu'il est en train de passer du chat sauvage au chat domestique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Alors, comme il a été dit dans le reportage, tout le problème, ce sont pourquoi. Quelles sont les raisons? Ça peut être des raisons religieuses, ça peut être des raisons guerrières, le cheval qui accompagne son le guerrier, ça peut être des raisons aussi d'animal favori, mais évidemment, ça n'est pas marqué noir sur blanc. Une fois qu'on a identifié le geste funéraire, on n'a pas reconstitué la pensée funéraire qu'il commande. Oppidum gaulois, chez les Romains. Ah, chez les Romains, alors c'est très différent, et notamment les 4-5 premiers siècles de l'Empire, hein, entre le 1er siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ, la place des animaux de compagnie est très forte dans le monde romain, notamment les oiseaux, les chiens, et à Rome par exemple, il y a plein de cas d'inhumation de chiens favoris. Alors là, c'est vraiment le chien favori, le compagnon, soit dans des zones spécial, soit même avec au milieu des tombes humaines, et on a des stèles qui racontent. Alors là, on a les textes qui montrent très bien l'attachement du propriétaire à son chien, et avec des textes qui nous montrent que leur pensée était tout à fait proche de la nôtre actuellement. Mais il y a 20 ans, vous publiez des livres, des travaux sur l'Église et l'animal. La pensée chrétienne paraît de plus en plus éloignée, elle en revanche, qui considérait comme différent la nature de l'homme et la nature de l'animal. Un animal, ça a une âme, et du coup, est-il intéressant que son corps ressuscite? Alors, non, pas du tout. D'ailleurs, cette pratique romaine des inhumations d'animaux disparaît avec la christianisation. Elle disparaît autour des 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a à la fois la christianisation et puis aussi les invasions germaniques. Les Germains mangent le chien, ils n'ont pas du tout cette vénération vis-à-vis du chien qu'avaient les Romains. Donc tout ça disparaît. Et effectivement, il y a la raison théologique. C'est que petit à petit, le discours chrétien va être influencé par le néoplatonisme que véhiculent beaucoup de pères de l'Église, notamment saint Augustin. Et c'est sous l'influence de ce néoplatonisme que va se mettre en place cette très forte distinction entre l'homme et l'animal, l'homme qui a une âme censé être immortel très vite, voire après la mort, et l'animal qui n'en a pas. Mais il y a des animaux, dans certains courants minoritaires du christianisme, qui sont considérés comme ayant une âme, enfin une âme un peu petite, un peu modeste. Il y a même des animaux qui sont des saints guérisseurs. Oui, alors évidemment, c'est l'exemple célèbre de Saint Guinefort. C'est quoi Saint Guinefort? Alors Saint Guinefort, c'est au début du XIIIe siècle, XIIe siècle, pardon. C'est un lévrier qui se situe dans une famille de l'aristocratie et qui défend un nouveau-né contre un serpent. Et lorsqu'il rentre, le père croit que le chien a attaqué l'enfant. Parce qu'il est couvert de sang. Voilà, il le tue et il se rend compte ensuite de sa méprise. Donc il enterre le chien dans un puits. Donc on jette, vous voyez bien le retour. On jette quand même. On jette. Il fait recouvrir de pierre et puis il fait planter un arbre, et puis ça va devenir un lieu de culte pour la guérison des enfants. Oui, mais les dominicains de l'Inquisition au XIIIe siècle vont mettre bon ordre. Oui, tout à fait. Il y a un inquisiteur qui se promène là-bas dans les dombes entre Bourg-en-Bresse et Lyon et qui s'aperçoit que il y a un culte et donc il fait tout raser, il fait déterrer ce qui resterait des ossements du chien, il fait couper l'arbre, etc. Mais au 19e siècle encore, le culte perdure. Oui, il n'arrive pas effectivement à résoudre ça. Bon, alors le puits, la Seine, les carisseurs, c'est ça le destin normal? Alors l'écarisseur, c'est assez récent finalement. L'écarisseur en tant que véritable industrie, hein, ça se développe au 19e siècle et puis surtout au 20e siècle. Alors là, au 20e siècle, ça devient la fin normale des animaux de compagnie, parce que on va prendre l'habitude d'aller faire piquer ces animaux de compagnie chez le vétérinaire, et les vétérinaires vont organiser le départ des corps chez les écarisseurs. On est content à l'équipe de la Marche de l'Histoire de vous apprendre quelque chose, Éric Baratet. Il existe une pièce de Boris Vian que je ne connaissais pas non plus, moi, qui s'appelle Écarisseurs pour tous. Ça se situe en Normandie. On est en plein débarquement, l'été 1944. C'est Jean-Pierre Mariel qui joue le rôle de l'écarisseur. Il est situé au-dessus d'Arromanches, enfin dans un endroit extrêmement malodorant, où de temps en temps, quand même, un visiteur vient le voir. Rentrez ! Salut ! Oh, salut ! Toujours vivant ? Vous aussi ? Moi, c'est normal. Je suis écarisseur. Jamais ils ne viendront jusqu'ici. Ça pue trop. Pour puer, ça pue. Et alors ? Ce débarquement, que ça en est ? Ils se tabassent toujours. Oh, dommage que ce soit des tanks. Autrefois, ça m'aurait donné du travail. Tous les chevaux que ça aurait fait. Ils sont arrivés jusqu'en haut de la plage. Ça peut-être temps que je descende les carrières un peu. J'ai quatre bêtes en retard qui sont à peine dressées. Tu les dresses maintenant ? Oh, tu es fatigant, il faut t'expliquer tous les termes techniques. Dresser, c'est aplani, dégrossi, ce que tu voudras. Oh, t'es macabre, écoute. Oh, c'est plus idiot. Non, tu es comme les autres, tu as des préjugés. Je suis sûr que tu t'étonnes de me voir ici. Avec ton coffre et ta tasse, je te verrais plutôt en train de te battre. C'est ce que tout le monde pense, et je le sais bien. La vérité, c'est qu'ils m'ont oublié. On t'a pas envoyé une lettre ? Une convocation, je sais pas, moi. Si, mais j'ai pas ouvert la lettre, alors je me suis dit, ils m'ont oublié. Et de fait, ils m'avaient oublié. On n'est pas venu te chercher. Un type est venu un jour, mais il est tombé par hasard dans la fosse. Depuis, je n'ai vu personne. Qu'est-ce que t'en as fait ? Du type ? Bah, si tu veux que j'en fasse, je l'ai écarri, c'est tout. Pas de plus, un de moins. On pourrait ajouter dans les propos de Jean-Pierre Marielle, moi, celle que je préfère, mon colon, c'est celle de 14-18, parce que là, il y avait des chevaux, et qui chargeaient en masse. Il y avait énormément de chevaux, et l'un des problèmes a été justement de quoi faire des cadavres. Alors, dans un premier temps, en 14, on essaye de les enterrer, et c'est très difficile, parce que les chevaux se raidissent, bah, comme tous les corps morts, se raidissent très rapidement, et aller creuser une tombe, enfin une fosse plutôt, avec les pattes très raides des chevaux, il faut, les textes montrent qu'il faut casser les pattes, les replier, etc. Ce qui fait qu'on abandonne très vite la pratique, et ensuite on va développer l'écarissage, hein. On emmène les chevaux, évidemment, sauf ceux qui pourrissent, évidemment, avec les hommes au milieu des tranchées. Je fais référence à vos livres « Bêtes des tranchées » puis à cette biographie d'un cheval dans la Grande Guerre, « Warrior », parce que, adoptant le point de vue animal, vous avez tenté des biographies animales. Il y a cependant des sépultures individuelles, de chevaux par exemple. Oui. De chiens. Il y a des sépultures de chiens, alors plutôt de chiens. Nous l'aimions tous, a sauvé plus de 60 hommes, retrouvé 10 de nos camarades portés disparus, a sacrifié sa vie de chien comme un soldat fidèle jusqu'au dernier instant. Ça, c'est une épitaphe en Autriche. Tout à fait. Alors, les Autrichiens, les Allemands, les Anglais ont développé beaucoup ça. Les Français aussi, mais sans le dire, parce que ça n'apparaissait pas sérieux. Mais côté allemand, par exemple, il y avait des cimetières de chiens de guerre. On a des photographies qui montrent ces cimetières. Et avec, à la mode humaine, hein, avec une stèle. Alors, on voit pas bien sur les photos s'il y avait des textes, mais c'est tout à fait représentatif. Lille, Coin, Pozières, Chipilly, Verdun, et peut-être bientôt Paris, où il faut toujours parler du caractère pionnier de la ville de Paris, qui cherche à satisfaire de nouvelles clientèles électorales, et qui semble s'être intéressée à un projet que l'association Zoopolis défend, Mordicus, un monument aux morts, enfin je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot, un mémorial dans la capitale pour les animaux morts pour la France. Alors c'est un souhait que beaucoup de poilus intéressés par les animaux avaient formulé au moment de la guerre, ou jusqu'après-guerre. Hein. On le trouve par exemple chez Genevoix, et puis ça a été oublié. Il n'y a eu que quelques monuments, vous les avez cités en France, il y en a guère plus en Angleterre par exemple. Mais Serge Barcellini, le président du Souvenir français, qui gère la mémoire des monuments aux morts, est pour ce projet à Paris. Oui, tout à fait, parce qu'il y a l'idée qu'on retrouve chez les poilus, dans les textes des poilus de l'époque, cette idée de la communauté des souffrances. Hein, ces chevaux, ces chiens, ils ont vécu, ils ont fait la guerre comme les hommes, et ils sont morts comme les hommes. Et là, il y a cette idée d'union, finalement, hein, de guerre qu'on n'a pas voulu faire, enfin qu'on a été obligé de faire, et pour lesquelles on souffre. C'est intéressant quand même les débats des conseils d'arrondissement, parce que le 14e était pour. Dans le 13e, on a dit non, on peut pas faire une équivalence entre les humains morts et les animaux morts. Et puis, on a vu toutes les forces politiques peu à peu rejoindre le projet, jusqu'à la mairie de Rachida Dati, en dernier lieu. Oui, mais je crois que finalement, c'était ce monument, comme je vous le disais, c'est le meilleur moyen de respecter finalement ce que les poilus de l'époque pensaient. Hein. Alors évidemment, les circonstances étaient exceptionnelles. Très vite après la guerre, tout le monde a oublié ces espèces de promesses. Mais on a plein de textes de ce genre-là, donc finalement, je trouve que ça ne serait pas contradictoire. Je ne crois pas que ça soit insultant pour les poilus morts, au contraire. Il y a des chiens soldats qui sont décorés, il y a toujours des chiens soldats. Il y en a au raid en France, il y en a un qui a participé à l'attaque contre al-Baghdadi, même que le président Trump a déclassifié ses photos, parce que c'est un héros comme Rintintin. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Mais Rintintin, il meurt pas, il ressuscite régulièrement. Je crois qu'on est à Rintintin 5. C'est pas seulement le héros de notre jeunesse, Éric Baratet, mais de gens beaucoup plus jeunes que nous. C'est qu'évoluent les sensibilités dont vous diriez qu'elles, peu à peu, arrivent à un niveau plus élevé. Ça tient aux vétérinaires. En partie, oui, ça tient aux vétérinaires qui, petit à petit, évidemment, vont développer une espèce d'attention vis-à-vis des animaux et la transmettre dans la population. Alors, c'est très variable parce qu'au XIXe siècle, par exemple, les vétérinaires ne s'intéressent pas du tout, ou très peu aux chiens, ou aux chats encore plus. Hein. Ils sont surtout formés pour les animaux, les bestiaux, comme on dit à l'époque, pour les épidémies, etc. Et vous avez un très beau texte de Zola dans l'un de ses romans où il raconte comment la famille appelle un vétérinaire et ce vétérinaire ne veut pas intervenir. Le vétérinaire et les bestiaux. Pour montrer l'évolution des sensibilités, voici un extrait du film Petit Paysan, dont chacun sait qu'il se déroule dans la Haute-Marne. Pierre, le paysan, est averti par sa sœur, vétérinaire, que le troupeau est menacé. Il se résout à le sacrifier, mais très difficilement, le périmètre de sécurité est installé. Et voilà le dernier vœu de Pierre concernant ses vaches. Vous faites quoi ? Je vais les traire. Vous n'allez rien faire du tout, elles sont déjà parquées, on est en train d'installer le périmètre. Je sais, mais je vais les traire d'abord. Ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà, monsieur Chabot. Qu'est-ce qui se passe là ? Votre frère veut traire ses vaches maintenant. On n'a qu'à le laisser les traire. On n'est pas prêts de toute façon. Elles seront plus calmes en plus. Hein ? La traite commence sur la recommandation de la sœur vétérinaire, Éric Baratet. Alors, ce cas des animaux frappés d'épidémie est un gros problème pour justement dans le monde paysan, dans le monde vétérinaire. On a beaucoup de textes là-dessus au XIXe siècle. Quoi faire des cadavres ? Et alors, c'est finalement une des rares exceptions où l'on enterre, hein, notamment les vaches atteintes de fièvre, etc. C'est relativement fréquent au XIXe siècle, alors que l'inhumation est un interdit vraiment très fort pour tous les animaux en général. Là, c'est vraiment l'exception. Ou après, on se met à brûler, etc. Mais c'est un cas tout à fait particulier. Et les vétérinaires ont dû s'intéresser de plus en plus aux chiens et aux chats domestiques. Ça, c'était à la demande des propriétaires de chiens et de chats qui, au XVIIIe siècle, commencent à faire des portraits. À faire des portraits de leurs animaux domestiques. Dès le XVIIe siècle. On en trouve même au XVIe. L'un des grands exemples, c'est Louis XIV, hein, qui fait portraiturer ses chiens de chasse. Mais ses chiens de chasse qui sont aussi ses chiens de favorites. Saint-Simon raconte comment Louis XIV donne à manger lui-même à ses chiens de favorites. Vous voyez tout l'honneur, hein, puisque toute la noblesse autour de lui lui donne le chandelier, le pot de chambre, etc. Lui nourrit de sa propre main ses chiennes. Alors, il y en a une dizaine qui dorment à côté de sa chambre et il les fait portraiturer. Ça, évidemment, c'est une revalorisation du chien qui est lancé donc par l'aristocratie à partir du 15e, 16e siècle. Et on revient là-dessus, sur tout l'interdit qu'avait mis en place le christianisme à partir du Moyen-Âge. Et on va avoir en conséquence des exemples d'inhumation de ces animaux favoris, des chiens, des chats, des perroquets, des singes. Alors ça se passe dans les parcs privés de l'aristocratie. Et là, on a même quelques exemples de tombeaux à la manière humaine de l'époque, notamment au XVIIIe siècle. Et l'un des premiers à en parler, c'est Dubelet, lorsque il raconte qu'il a la mort de son chat ou de son chien et qu'il les enterre. Donc, dans les propriétés des bourgeois et des aristocrates, des tombes. Le bon sens populaire résiste. Vous aimez bien citer un texte de Jules Vallès qui a été très marqué dans son enfance par le refus de ses parents de rendre les derniers honneurs à l'animal domestique qu'il aimait. Ah oui, c'est un texte superbe qui est dans l'enfant de les mémoires donc de Jules Vallès, où il raconte, ils sont au puits en volet, il raconte que le chien meurt et lui aurait l'idée, les enfants auraient l'idée de l'enterrer. Parce qu'un de ses copains lui a promis un coin de son jardin. Voilà, tout à fait. Et scandale absolu des parents, on n'enterre pas un chien et on va jusqu'à le brutaliser Jules Vallès. Hein. On force Jules Vallès à faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'aller porter le cadavre du chien sur le tas d'ordures en bas de la maison pour qu'il soit ensuite ramassé par les éboueurs. Et là, on voit bien ce conflit extrêmement fort, hein, comme on l'a vu dans Hôtel du Nord tout à l'heure, où à la fois on nous parle de cet épisode, cette pratique des jets dans la rivière, dans l'eau, mais en même temps, vous voyez que Louis Jouvet, qui incarne celui qui jette, il apparaît comme un vicieux. Hein, on est dans un tournant des mentalités ici. Le cimetière des chiens, des chats et des autres animaux d'Asnières, il y a que les serpents qui manquent, date de 1899. Il a été créé notamment à l'initiative de Marguerite Durand. Durand, qui est une militante féministe. Militante féministe, celle comment qui a créé comment vous faites l'association? Ah, c'était très fréquent à l'époque, hein, puisque on pensait, c'est quelque chose qui a disparu au XXe siècle, qui revient maintenant, on pensait que la défense des animaux s'inscrivait dans la défense des opprimés. On retrouve ça chez Jules Vallès, on retrouve ça chez Séverine. La journaliste. La journaliste, chez Zola. La défense des enfants, des pauvres, des animaux. On retrouve ça évidemment chez Victor Hugo. Et donc ça ne choque absolument pas. Et que Marguerite Durand, qui lance aussi le féminisme, s'intéresse à cette défense des animaux, c'est absolument pas scandaleux pour les gens de l'époque. Alors c'est petit, un hectare, ça a été menacé de disparition dans les années 1980 pour des raisons financières. Je ne sais pas s'il y a tant de visiteurs que cela, mais très régulièrement, la presse parle du cimetière des chiens d'Asnières. Encore la semaine dernière, un grand papier de Stéphane Audegui dans La Croix. Et ici, un reportage des Pieds sur Terre, Anne Rioux à Asnières. Vous êtes le gardien de ce cimetière? Oui, depuis ça fait 3 ans maintenant. Il y a la poule cocotte là, une poule, mais ça c'est très vieux, hein. Ça c'est de 1906-1922 la poule cocotte. 16 ans elle a vécu. À ma cocotte affectionnée, vécue 16 ans, fidèle compagne, inséparable, à toi j'étais attaché, tu ne seras jamais oublié, regret. Ah c'est une Sampler tombale, ouais. Ça c'est chien policier ça. Ah là cette grande statue. Il y a un mouton aussi. Il y a des lapins, il y a des perroquets, il y a un peu tout, quoi. Il y a des tombes qui datent de 1836. Déjà au début du XXe siècle, on comptait déjà 20 000 locataires, bien, et qu'on arrive aujourd'hui à environ 100 000 chiens, chats et autres animaux qui ont été enterrés ici. Alors, le 40 millième animal qui a été enterré ici est un chien qui est venu spontanément mourir aux portes du cimetière. Rien, je suis errant. Je voudrais voir le singe que sa maîtresse a délicatement habillé en fille, dont on voit la photo sur la tombe. Stéphane Houdguet a repéré dans la croix Kinshasa de Kabotkov-Kun, c'est un char 2002-2014, grâce à son intelligence fascinante, semblable à celle d'un primate évolué, il y a tout ça sur la tombe. Elle nous a spontanément modélisé au point d'arriver à boire avec sa main et à transférer ses croquettes de la boîte vers sa gamelle avant les consommer. Et cet exploit est documenté par des photographies toujours sur la tombe. Mais c'est des tombes qui ressemblent aux tombes des humains. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec le cimetière d'Asnières, c'est justement voir ce parallélisme entre l'évolution du style des tombes humaines et celle des animaux, puisque là, on a des tombes qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et le parallélisme est tout à fait frappant. Alors, ce cimetière d'Asnières, c'était pour la bourgeoisie parisienne qui n'avait pas de terrain, qui ne pouvait pas enterrer. Hein ? Donc, c'était quand même très minoritaire. Et ensuite, il y a eu d'autres cimetières dans les années 60-70 qui ont été ouverts à la périphérie des grandes villes. Vous parlez de celui de Besnay, à côté de votre bonne ville de Lyon. De Lyon, il y en a eu un vers Nice, un vers Bordeaux, pour les gens justement qui encore à l'époque n'avaient pas de terrain. Et ce mais vous repérez à Besnay, pardon, par exemple le cas de Kiki Jésus, c'est un drôle de nom pour un animal, un retournement des catholiques. Parce que Kiki Jésus, il est béni par Jésus, dit oui, la tombe. C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les textes, comme c'est cité dans le reportage. On voit bien comment, fin 19e, début 20e, on enterre l'ami. L'ami de la famille, l'ami de l'individu. Alors que de nos jours, c'est l'enfant de la famille. L'intégration est beaucoup plus poussée, et en même temps qu'il y a cette intégration familiale, on voit, alors ça reste très minoritaire, hein, par exemple à Besnay, eh bien il y a une intégration à la religion, donc sur quelques tombes avec des croix, des vierges, etc. Alors, qui bénit par Jésus, parce qu'en fait il a dû de son vivant bénéficier d'une bénédiction d'un prêtre, ces bénédictions qui sont revenues à la mode depuis une vingtaine d'années. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, développement de la crémation, tout ça est très difficile à identifier parce que les pratiques sont individuelles et ne sont pas recensées. Vous avez vu, toujours la croix aujourd'hui, enquête du Crédoc, la première sur ce champ, l'inhumation reviendrait chez les plus jeunes. Je parle des humains, je ne sais pas comment ça va se passer pour les animaux. Il y a une explication, le Crédoc dit, quand on a un corps tatoué, on n'aime pas le faire brûler. Oui, c'est une explication. Mais pour les animaux, l'inhumation est en plein essor. L'incinération, pardon, hein, est en plein essor. Elle a remplacé l'écarissage qui était vraiment archi-dominante au XXe siècle. N'existe plus. Aucun vétérinaire maintenant ne vous propose l'écarissage pour votre chien, votre chat, etc. C'est l'incinération systématique. Et là, ça s'est développé depuis les années 80, surtout à partir des années 90. Le parallélisme, là aussi, avec les humains, est tout à fait frappant. Hein, et avec des possibilités diverses, soit vous faites incinérer votre animal et les cendres sont répandues sur un champ, soit vous récupérez vous-même les cendres, et puis vous pouvez les enterrer dans votre jardin, par exemple. Mais elles n'ont pas de statut, les cendres d'animal, à la différence des cendres d'humains depuis 2008. Elles n'ont pas de statut, mais enfin, pour les propriétaires, manifestement, si. Éric Baraté retrouve la liste de vos nombreux ouvrages consacrés à la question sur notre site. Vous aimez citer Bello. C'est l'épitaphe de Joachim du Bellay. Bello, c'était son chat. Maintenant le vivre me fâche, et afin, Magny, que tu saches pourquoi je suis tant éperdu, ce n'est pas pour avoir perdu mes anneaux, mon argent, ma bourse. Et pourquoi est-ce donc? Pour ce que j'ai perdu depuis 3 jours, mon bien, mes plaisirs, mes amours. Et quoi, ô souvenance grève, à peu que le cœur ne me crève quand j'en parle ou quand j'en écris? C'est Bello, mon petit chagrin. Bello qui fut par aventure le plus bel œuvre que nature fait donc en matière de chat. C'était Bello la mort au rat. Bello dont la beauté fut telle qu'elle est digne d'être immortelle. L'équipe de la Marche de l'Histoire, Adèle Caïto, Aurore Juvenel, à la réalisation Audrey Ripouille, et à la technique aujourd'hui, c'était Élise Christophe. Dans un instant, Fabrice Drouel, l'émission Affaires sensibles est consacrée aujourd'hui à l'affaire Markovitch.